pouvais écrire, je serais muet, condamné à la violence dans la dictature du secret. Submergé par tous ces sentiments sans mots, je m'effacerai comme une mer sans eau. Ma vie ne serait pas la même, aussi vrai que j'aurais pu prendre la tienne. Mon talent s'est corrompu dans l'illicite, où les instants de bonheur sont des éclipses lorsqu'ils ne sont pas des ellipses. Alors j'ai écrit dans l'urgence, comme si ma vie en dépendait, sous les sirènes des ambulances. J'ai écrit par instinct, par survie. Je me suis surpris à écrire afin de supporter la vie. Yeah. Trop de moi dans mes écrits. Peut-être que je n'écris plus, je m'écris. J'abandonne mon être à mes lettres, car l'écriture sans âme n'est que lettre. Je n'écris pas que pour m'oublier. Parfois j'écris pour qu'il ne puisse jamais oublier, pour qu'il ne puisse jamais nier. Le martyr des braves, soudain j'écris des volcans que je grave à l'encre de lave. Je ne fais de la musique que pour vibrer, faire vibrer les cœurs criblés. Je n'écris que pour dire vrai. Si je n'avais su les mots, que serais-je sur le banc des mélancoliques? Ma poésie siège entre le marteau et l'enclume. J'ai dû aiguiser ma plume. Quand je suis perdue dans la brume, je vais chanter mon amertume. Alors j'écris. J'ai pas le choix, j'écris. Comme une dédicace au slam, ça commence à cappella. Toutes ces voix qui décrassent l'âme, toutes ces voix qui m'ont amené là. Si tout à coup mes mots s'envolent, c'est parce que le beat atterrit. Moi j'ai pris ma plus belle plume pour pouvoir répondre à Kerry. Et quand le piano redémarre, c'est pour souligner nos errances. Si j'écris, c'est pour mettre face à face mes regrets, mes espérances. Seul sur scène, face à la salle, ne crois jamais que je me sens supérieur. Si tu ne vois jamais mes larmes, c'est parce qu'elles coulent à l'intérieur, c'est vrai. Y'a très peu de certitude dans mes écrits. Mais si je gratte autant de textes, c'est que mon envie n'a pas maigri. Envie de croire qu'à notre époque, les gens peuvent encore s'écouter. Là où j'habite, y'a trop de gamins que la vie a déjà dégoûté. J'écris parce que les épreuves m'ont inspiré. J'écris comme tous ces mômes que le bitume a fait transpirer. S'il y a tant de jeunes dans nos banlieues qui décident de remplir toutes ces pages, c'est peut-être que la vie ici mérite bien quelques témoignages. J'écris parce qu'il suffit d'une feuille et d'un stylo. Même le dernier des cancres peut s'exprimer, pas besoin de diplôme de philo. J'écris surtout pour transmettre, et parce que je crois encore au partage, à l'échange des émotions, à un sourire sur un visage. Alors non, on changera pas le monde, on est juste des chroniqueurs d'un quotidien en noir et blanc qu'on essaye de mettre en couleur. Mais si on change pas le monde ne nous changera pas non plus. On a du cœur dans nos stylos et la sincérité comme vertu. Entre